accroche-toi que je te raconte mon history. Je t'assure qu'on est très loin de ce que tu imagines. J'ai traversé des phases qui m'ont marqué à vie. Je vais pas m'attarder là-dessus, tout est si fragile. Oh mama, oh mama, mama, oh mama. Si tout a un prix, fais le ménage autour de toi et fais le tri. Mais malgré tout, le temps nous apprend que rien n'est figé. Je te le disais, tu vois, c'est pas ce que t'imagines. Oh mama, oh mama. Trop tard pour comprendre. On tourne le dos parce que c'est pas ce qu'on veut entendre. Je perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. On aime se dire que tout reviendra comme avant. La vérité, ouais. Je suis déjà tombé, ouais. Mais je me suis relevé, ouais. Oh maman, maman. Tu veux la vérité, ouais. Je suis déjà tombé, ouais. Mais je me suis relevé.